nostalgie au programme ce soir dans un pop and rock qui va faire revivre les soirées magiques des années 80 pendant lesquelles l'Angleterre de Thatcher faisait vibrer toute l'Europe. Des Écossais de Simple Minds qui viennent d'ouvrir notre session pop and rock, aux Irlandais de U2 en passant par les plus consensuels Tears for Fears, rappelez-vous ou découvrez. Piste de danse est là, serrez vos pieds l'un contre l'autre, serrez vos genoux, bougez vos fesses, levez vos bras et dansez à nouveau sur Tears for Fears. Heaven comes to the Les années 80 étaient marquées par les passionnés et les rivalités de la coiffure de Robert Smith face aux tenues très 80s de Jim Kerr. Pour ma part, je ne choisissais pas, j'adorais les deux. We'll be right back. Et là, on écoute à l'instant une captation des Cure datant de 1979. Ils étaient alors trois sur scène, et dire que j'ai attendu les années 2010 pour les voir enfin en live. Par contre, la bande du Martin et de David, eux, je les ai bien vus à leur meilleur. Quel retour dans les 80s, Tears for Fears, Cure, Depeche Mode, il ne manque plus qu'un... un U2 ? Alors accrochez-vous parce que voilà la bande à Bono avec Rejoice. Le début de Pop and Rock, je ne vous envoie que des gens, que des groupes qui attiraient les foules en concert. Il y avait pourtant un vivier encore plus important avec des groupes plus confidentiels. Certains ont plus explosé dans les années 90 comme le R.E.M. Let me make it good. much understanding of my finest defenses. I proclaim the claims are left unstated. I demand a rematch. I decree a stalemate. I divine my deeper motives. I recognize the weapons. I practice them well. I fitted them myself. My mistake. Let me make it good. I raise the wall, and I will be the one to knock it down. Reach out for me. This is my world, and I am world leader. Pretend this is my life, and this is my time. I have been given the freedom to do as I see fit. It's high time I raise the walls that I've constructed. It's amazing what devices you can sympathize. This is my mistake. Let me make it good. I raise the wall, and I will be the one to knock it down. Fill in the mortar, you fill in the harmony, you fill in the mortar. I raise the wall, and I'm the only one. I will be the one to knock it down. Aux côtés des Sisters of Mercy et autres Dépêche Mode, il y avait donc foultitude de plus petits groupes dont on s'enorgueillait de n'être que quelques-uns à les écouter. Parmi eux, Immaculate Fools a une place à part dans mon cœur. Un hiver de 1987, je crois bien, à l'ENTPE de Vaux-en-Velin, j'ai osé monter sur scène pour chanter avec eux cette chanson. Dream those tainted promises, but fight and die we forget so easily. The love inside, we are enchanted. We are salvaged.

Les Church ont illuminé à l'instant de leur Milky Way notre pop and rock. Les Church comme symbole des années 80, capable de pondre un album génialissime, puis de disparaître. Heureusement, Angel Rich reste immortel. You gotta be so undemanding. On vient d'écouter le More de Sisters of Mercy. Ouais, More, parce que je serais capable de vous programmer toute une journée de Sisters of Mercy sur RVR si on me laissait faire, oui. Mais voilà, ce soir, la sagesse me rattrape. Alors, je referme la porte des Sisters pour gratter celle de Mission, émanation d'une moitié des Sisters of Mercy. Et si je ne vous ai imposé qu'un seul Sisters of Mercy ce soir, on va enchaîner un deuxième Mission UK. Je viens de me rendre compte que j'ai commencé ce soir par vous programmer des groupes sans déterminant, de Simple Minds à Tears for Fears en passant par U2, et puis sont arrivés les The Church, The Sisters of Mercy et The Mission. Il est l'heure de se faire donc deux titres de The Smiths. Let me get my heart. Je viens de voir l'heure, il est déjà temps de se quitter, donc je vous dis rendez-vous semaine prochaine, même à même endroit, et bis à tous.